Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Pourquoi les végétaux furent créés avant les animaux? Les végétaux agirent comme purificateurs de l'atmosphère. Expérience de messieurs Dumas et Boussingault, elles expliquent comment l'air fut rendu respirable. Les végétaux nécessaires à l'alimentation des animaux, une méprise de Bichat. Les végétaux appareils de synthèse, les animaux appareils d'analyse. Il est encore un point de l'histoire des végétaux que je tiens à élucider, c'est celui-ci. Pourquoi furent-ils créés avant les animaux? J'y vois deux motifs essentiels, l'un qui se rattache à la purification de l'atmosphère, l'autre à l'alimentation des espèces animales. Ceci demande explication. On ne saurait douter que l'énorme masse de carbone accumulée dans le sein de la Terre à l'état de houille, ait été soustraite par les végétaux beaucoup plus à l'acide carbonique de l'atmosphère qu'au sol où ils étaient implantés. Rappelons à ce propos les belles expériences de messieurs Boussingault et Dumas. Quand on dépose une graine dans du sable ou du verre pilé, pour peu qu'on y entretienne un degré suffisant d'humidité tiède, cette graine donne naissance à un végétal produisant sa fleur et ses fruits. Note. C'est surtout en Égypte, lors de l'inauguration du canal de Suez, que j'ai été à même de vérifier cette influence de l'eau et de la chaleur sur la germination. Ainsi, sur tout le parcours du nouveau canal, dit canal d'eau douce, qui relie Agazig, l'ancienne Bubaste, à Suez, le sable est devenu productif au point de s'être converti en un véritable terreau. Fin de la note. Qui a fourni à cette graine le carbone nécessaire à son accroissement? Ce ne peut être ni le sable ni le verre pilé, puisqu'aucun des deux n'en renferme. Ce ne peut être davantage l'eau qui a servi à son arrosage, puisqu'ayant été distillée elle en est également dépourvue. Force est donc d'en attribuer le point de départ à l'atmosphère. Appliquons maintenant ces expériences à la flore primitive. Les végétaux ont emprunté à l'atmosphère la plus grande partie du carbone qu'ils assimilaient, ce qu'ils n'ont pu faire qu'en décomposant l'acide carbonique alors en excès. L'oxygène de cet acide s'est trouvé ainsi mis à nu. Par suite, sa proportion allant sans cesse en augmentant à mesure que les végétaux s'appropriaient le carbone, il est arrivé un moment où l'air a contenu assez peu d'acide carbonique pour devenir respirable pour les animaux. C'est alors que ceux-ci ont fait leur apparition sur notre planète. Oui, mais, qu'on me pardonne cette expression familière, les animaux ne vivent pas seulement de l'air du temps, il leur faut quelque chose de plus substantiel, ce quelque chose, que sera-t-il? Le végétal. Laissons à ce propos parler la Bible, je vous ai donné, dit le Seigneur, toutes les herbes qui portent leurs graines sur la terre, et tous les arbres qui renferment en eux-mêmes leurs semences, chacun selon son espèce, afin qu'ils vous servent de nourriture et à tous les animaux de la terre, à tous les animaux du ciel, à tout ce qui a mouvement sur la terre et qui est vivant et animé, afin qu'ils aient de quoi se nourrir. Ainsi, d'après Moïse, les végétaux ont été créés avant les animaux, dans un but de finalité, afin que ceux-ci eussent de quoi se nourrir. Que, pensez de cette explication, au point de vue de la physiologie moderne? C'est encore monsieur Dumas qui va nous répondre. Les végétaux, dit-il, ont pour fonction de fabriquer la matière organique dont les animaux doivent se nourrir. La terre serait dépeuplée si, pendant une seule année, les végétaux cessaient de préparer notre nourriture et celle de tout le règne animal. Supprimer les plantes, et les animaux périront tous d'une affreuse disette. La nature organique elle-même disparaîtrait tout entière en quelques saisons. Ainsi, dans le plan divin, les végétaux ont dû précéder les animaux, parce que sans eux la conservation du règne animal devenait impossible. Par contre, ces mêmes végétaux n'ont nullement besoin des animaux pour subsister, ceux-ci ne leur fournissant aucun des éléments de leur accroissement. Bichat s'est donc mépris quand il a dit que, le végétal et l'ébauche, le canevas de l'animal et que, pour former ce dernier, il n'a fallu que revêtir ce canevas d'un appareil d'organes extérieurs, propres à établir des relations. Non, ce n'est pas cela. La fonction d'un végétal, dans son ensemble et dans sa fin, n'est pas réductible à la fonction d'un animal, il y a opposition absolue entre les fonctions respectives de l'animal et du végétal. Chose admirable, c'est précisément cette opposition qui complète et harmonise les fonctions de ces deux règnes. Ainsi les végétaux sont des appareils de synthèse, dans lesquels la matière organique est formée à l'aide des éléments minéraux de l'air, de l'eau et de la terre, les animaux sont des appareils d'analyse, dans lesquels la matière organique est ramenée, par une véritable combustion, à l'état de matière minérale. Cette relation, Moïse ne l'a point exprimée en ces termes, il ne le pouvait. Mais, en affirmant que les végétaux ont été construits les premiers, pour servir de nourriture aux animaux, il a dit une chose scientifiquement vraie, dont la chimie moderne est venue compléter la démonstration. Dieu crée les animaux aquatiques et les volatiles. Le règne animal créé en deux fois, animaux de la première création, accord de Moïse et de Cuvier, ces animaux seront décrits les premiers. Dieu ne créa pas le règne animal, comme le règne végétal, en une fois, mais en deux. Parlons d'abord des animaux de la première création. Voici comment s'exprime Moïse à leur sujet, Dieu dit aussi, que les eaux produisent des reptiles vivants et animés, et des volatiles sous le firmament du ciel. Dieu créa donc les monstres marins et tous les animaux qui ont vie, et les animaux qui rampent dans les eaux, selon leur espèce, et tous les volatiles, selon leur espèce. Voici maintenant comment s'exprime Cuvier. Remontant au travers des grès qui n'offrent que des empreintes végétales, on arrive au calcaire du Jura, c'est là que la classe des reptiles prend tout son développement. C'est parmi ces innombrables quadrupèdes ovipares, au milieu de ces tortues, de ces reptiles volants, que se serait montré, pour la première fois, quelques petits mammifères marins. Mais, pendant longtemps encore, on trouve que la classe des reptiles dominait exclusivement. Note. Si Cuvier se contente de mentionner les reptiles volants sans parler des oiseaux, c'est que, de son temps, on n'en avait pas encore découvert les fossiles. Fin de la note. Ainsi Moïse et Cuvier sont parfaitement d'accord sur la nature des animaux de cette première création, c'était des animaux aquatiques et des volatiles. Le moment n'était pas venu encore pour les animaux terrestres, car, selon l'expression biblique, la terre venait à peine de sortir du sein des eaux. Il n'y avait, par conséquent, place que pour les habitants de l'élément humide ou des plaines de l'air. Voici maintenant l'ordre dans lequel nous classerons ces animaux pour les décrire. Nous parlerons d'abord des monstres marins, puis des oiseaux, puis enfin des reptiles volants. Monstres marins. Deux espèces principales, l'ichthyosaure, particularité relative à sa face, à sa queue, à ses dents, à ses yeux, à ses membres. Le plésiosaure, sa définition. Autre monstre gigantesque, pourquoi Moïse ne parle pas des petites espèces? Si jamais l'épithète de monstre a mérité d'être appliqué à certains animaux, c'est bien à ceux qui vont maintenant nous occuper. Heureusement, nous possédons dans nos musées leurs squelettes, à titre de pièces justificatives, sans cela j'oserais à peine en parler, car il s'agit d'être tellement fantastique, qu'en l'absence de preuves matérielles on pourrait se croire le jouet de quelqu'une de ces féeries qu'on représente sur nos théâtres pour l'amusement de la foule. Parmi ces monstres, deux surtout me paraissent devoir être l'objet d'une description spéciale. Ce sont l'ichthyosaure et le plésiosaure. Ichthyosaure, sa longueur dépassait 10 mètres. On y trouve la réunion des caractères distinctifs propres à plusieurs classes d'animaux. Ainsi, il avait le museau du marsouin, la face du lézard, les vertèbres du poisson et les nageoires de la baleine. Puis son corps se terminait par une queue formidable, composée de 85 pièces qui, par l'élasticité de leurs ligaments, aidaient puissamment à la natation. Comme chez tous les sauriens, ses narines étaient très voisines de l'œil. D'un autre côté, la forme et l'arrangement de ses dents le rapprochaient du crocodile. Celle-ci, en effet, conique et tranchante, était rangé dans une rigole longue et continue, au lieu d'être enchâssé dans des alvéoles. J'en ai compté jusqu'à 180 sur un seul individu, jugé par ce chiffre du volume des mâchoires. Et, comme sur croix de précaution, de nouvelles dents pouvaient remplacer celles que l'animal aurait perdues, car, à la base de chaque dent, on aperçoit toujours le germe osseux d'une dent de rechange. Parlerai-je de l'organe de la vision? Il faisait de l'ichthyosaure un animal unique au monde. Ainsi, les yeux de ce colosse excédaient le volume de la tête d'un homme. Leur disposition offrait, de plus, d'après Cuvier, une particularité des plus étranges. Il existait au-devant de l'orbite une série circulaire de lamelles osseuses qui entourait l'ouverture de la pupille et qui, suivant qu'elle poussait l'œil en avant ou le ramenait en arrière, augmentait ou diminuait sa courbure, de manière à permettre la perception des objets à de petites commas de grande distance. Il en résultait que le globe oculaire faisait à volonté l'office de microscope ou de télescope. L'animal avait donc à sa disposition des appareils d'optique d'une puissance prodigieuse et d'une perfection singulière, qui lui permettaient de distinguer sa proie de près comme de loin, et de la poursuivre, au sein des ténèbres, jusque dans la profondeur des eaux. Pour rendre encore ses mouvements plus rapides, ses membres antérieurs et postérieurs étaient transformés en nageoires, représentant de véritables mains. La main antérieure était de moitié plus grande que la postérieure, elle contenait jusqu'à 100 os de forme polygonale, disposés en série, comme les phalanges des doigts, et garnis de palmes. Mais je n'en finirai pas, si je voulais passer ainsi en revue toutes les singularités d'organisation de cet étrange et monstrueux animal. Mieux vaut arriver au plésiosaure, qui en était du reste le digne pendant. Plésiosaure, c'était peut-être, au dire de Cuvier, l'animal le plus extraordinaire de la création. Un auteur l'a défini, un serpent caché dans la carapace d'une tortue. Il avait la tête du lézard, les dents du crocodile, un cou d'une longueur démesurée, un tronc et une queue dont les proportions, au contraire, étaient celles d'un quadrupède moyen, les côtes du caméléon, et les nageoires de la baleine. Le plésiosaure était un animal essentiellement marin. En raison de sa respiration aérienne, il devait nager non dans la profondeur, mais à la surface des eaux, comme les oiseaux aquatiques. Sa tête, repliée en arrière, pouvait, grâce à la longueur et à la flexibilité de son cou, partir subitement, comme le trait d'une arbalète, et s'abattre instantanément sur sa proie. Le plésiosaure était presque aussi énorme que l'ichthyosaure. J'en ai vu un fossile dont le squelette dépassait 10 mètres de longueur. Tel était, d'après les deux échantillons que je viens de citer, l'étrange population de notre globe à cette époque, ajoutée à ces monstrueux reptiles d'innombrables ammonites, dont quelques-uns avaient la dimension d'une roue de voiture, et qui voguaient à la surface de l'océan, tandis que des tortues gigantesques et des crocodiles plus gigantesques encore rampaient au bord des rivières et des lacs. Parmi ces crocodiles figure la famille des téléosaures, qu'un géologue allemand, Cotta, appelle les hauts barons du royaume de Neptune, armés jusqu'aux dents, et recouvert d'une impénétrable cuirasse, vrai flibustier des mers primitives. Notons ici une particularité, seulement elle a trait, non plus à la configuration bizarre, mais au volume monstrueux de ces animaux. Moïse les appelle grandia, énormes. Il l'était en effet. Toutefois ce mot a une portée plus considérable que celle qu'on serait tenté de lui attribuer tout d'abord. Il explique que c'est avec intention que l'historien sacré n'a rien dit des petites espèces, puisqu'il insiste d'une manière toute spéciale sur le volume des grandes. Oiseaux. Traces de pas d'oiseaux, Monsieur Hitchcock. Présomption changée en certitude, Monsieur Meyer, Lord Enniskillen, Monsieur Mantel, les oiseaux contemporains des reptiles, pourquoi leurs fossiles sont rares, un mot mal interprété. La géologie a été très longtemps avant de découvrir des squelettes d'oiseaux, cependant on avait signalé déjà en divers endroits certaines traces tout à fait semblables à celles que laissent les oiseaux en marchant sur le sable ou sur l'argile. Parmi ces traces les plus remarquables avaient été observées sur le grès rouge du Massachusetts. Le professeur Hitchcock, qui les a décrites avec soin, dit qu'elles ressemblent d'autant mieux à des pas d'oiseaux qu'elles sont en général composées de trois impressions, comme celles que feraient les trois doigts d'un oiseau, la médiane étant plus longue. Les doigts qui les ont formés étaient terminés par des ongles. Le naturaliste américain fait remarquer, en outre, que ces empreintes sont évidemment les vestiges d'un animal à deux pieds, car, dans le cas où il est manifeste que l'animal a marché, on ne trouve jamais plus d'une seule rangée de pas à la suite les uns des autres. Monsieur Hitchcock dit encore que l'écartement de ses enjambées, comparé à la longueur du pied, doit faire présumer que la plupart de ces animaux avaient de longues jambes et étaient par conséquent des échassiers. C'est ce qui explique d'ailleurs leur présence sur une terre humide. Ainsi donc les empreintes fossilaires créaient déjà de grandes présomptions en faveur de l'existence d'oiseaux à l'époque qui nous occupe. Ces présomptions se sont changées en certitudes par la découverte toute récente de leur squelette. Monsieur V. Meyer a décrit un oiseau dont on a rencontré les ossements dans les schistes calcaires de Glaris. Cet oiseau, parfaitement caractérisé, avait la taille d'une alouette et les caractères généraux du passereau. Lord Enniskillen a trouvé, près de Maidstone, quelques os d'oiseaux et, en particulier, Un numérus de la dimension de celui d'un albatros, se rapportant probablement à quelque espèce perdue de la famille des palmipèdes. Enfin, Monsieur Mantel a fait connaître les os d'un oiseau échassier, plus grand que le héron, trouvé dans la formation Wealdienne de la forêt de Tilgat. Je pourrais multiplier ces exemples, mais je m'en tiens à cela, car il s'agit simplement de prouver que, conformément à la déclaration de Moïse, les oiseaux étaient contemporains des reptiles aquatiques. Comment expliquer toutefois que leurs fossiles ne s'observent pas en plus grand nombre au sein des couches anciennes? Cela dépend probablement de la friabilité du squelette de l'oiseau, dû surtout à cette circonstance que les os qui le constituent offrent, à l'intérieur, une série de cellules où pénètre l'air pour rendre le corps plus léger. Je ferai remarquer également que l'oiseau est, de tous les êtres de la création, le mieux organisé pour être averti du péril et pour le fuir. N'a-t-il pas à sa disposition ses ailes qui lui permettent de s'élever dans l'espace pour reconnaître au loin les objets et se transporter là où il est sûr de trouver la sécurité? Il s'en servira de même pour se diriger vers un climat plus à sa convenance, ainsi que le prouve, aujourd'hui encore, l'exemple des oiseaux émigrants, que nous apercevons voyager par bandes, au-dessus de nos têtes, aux approches de l'hiver. Il n'est pas impossible non plus que cette rareté des fossiles d'oiseaux soit plus apparente que réelle, et dépende de ce que nous donnons au mot « oiseau », un sens beaucoup plus restreint que celui qui attachait Moïse. Le terme hébreu est un nom collectif qui ne s'applique pas seulement aux oiseaux du ciel, mais qui comprend tout animal ailé. À cette classe se rattacheraient donc les reptiles volants, lesquels formaient alors une des principales populations du globe. Reptiles volants. Ils réunissaient les caractères des reptiles et des oiseaux, d'où leur nom de ptérodactyles. Bizarrerie de leur organisation, monstre de la fable devenu réalité. Ces reptiles offraient, comme du reste tous les autres animaux de la même époque, une organisation des plus étranges, car ils réunissaient à eux seuls les caractères distinctifs des reptiles et des oiseaux, ces antipodes de la création. On les a désignés sous le nom générique de ptérodactyles. Esquissons-en les principaux traits. Le ptérodactyle se rapprochait de l'oiseau par la forme de sa tête et la longueur de son cou, de la chauve-souris par la structure et la proportion de ses ailes, et des reptiles par l'étroitesse de son crâne ainsi que par l'existence d'un bec armé de moins 60 dents pointues. C'était du reste un animal d'assez petit volume, sa taille dépassant rarement celle du cygne. D'un autre côté, sa tête était énorme comparée à celle du corps. On ne saurait admettre qu'il pût fendre les airs avec rapidité, l'appendice membraneux qui reliait son doigt externe aux côtes étant plutôt un parachute qu'une aile. Il devait surtout lui servir à modérer et à régler sa descente quand il se précipitait sur sa proie en tombant d'un lieu élevé. Essentiellement grimpeur, il montait sur les arbres en s'aidant des pieds et des mains, comme le font les chauves-souris, et s'y tenait en observation. La grandeur des yeux dénote un animal nocturne, la forme des dents, un carnivore, la longueur des pieds, un échassier. Enfin, il est probable que le ptérodactyle possédait la faculté de nager, qui est commune à presque tous les reptiles. On pourrait donc lui appliquer ce que Milton a dit du démon. Vaguéant ou nageant, court, gravit, rampe au vol. Notons en passant que le vers original du poète anglais est un peu plus harmonieux que la traduction que nous venons d'en donner par Delille. Ce qui fait du ptérodactyle un être essentiellement à part, C'est surtout le bizarre assemblage de deux ailes d'oiseau sur un corps de reptile. L'imagination seule des poètes avait conçu quelque chose d'aussi étrange, en créant le sphinx, le dragon, la chimère et l'hippogriffe. Grâce à la géologie fossile, la fable ici est devenue réalité. Pour rencontrer un être phénoménal se rapprochant de celui-là, il faut remonter aux plus brillants épisodes du Tasse ou de l'Arioste. La baie du Gévaudan en rappelle également quelques traits. Toutefois, ce qui en rend le mieux l'idée, c'est le monstre décrit par Racine, lequel inspira une si grande frayeur à l'attelage d'Hippolyte, et de si beau vers à Théramène. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.